Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit un deuxième groupe de candidats pour les élections de la GAUQTR. Et on reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. On se trouve si des besoins dans Ça existe, mais ça devrait pas là. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. On est en direct des studios 6 fois 3 Rivières ce jeudi 22 mars 2012. Un autre jour de grève générale illimitée à l'UQTR. Oui, exact. On va en parler plus tard dans l'émission. En tout cas, on va essayer de trouver quelqu'un pour en parler. On n'a pas le choix. Là. Exact. Faut le faire à tous les jours, au moins une fois, sinon en plus. Ouais. Aussi, à l'émission d'aujourd'hui, on va parler avec Simon Fitzbé pour sa chronique Phénomène. C'est évidemment sa chronique musicale sur l'univers de la musique. Aujourd'hui, deuxième partie de sa chronique sur Phil Oakes. OK. Mm-hmm. Deux. 2-2-2 sur le chanteur engagé des années 60. On va aussi avoir un deuxième groupe de candidats pour les élections de la GAUQTR. Qui est-ce qu'on va recevoir dans l'émission d'aujourd'hui, François? Oui, exactement. On reçoit le candidat à la vice-présidence à la vie associative et à l'environnement, Mathieu Roy. On reçoit aussi, pour la première fois, en fait, trois candidats pour le même poste. Mm-hmm. Le poste de vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Donc, on reçoit Michael Magny, candidat, Pascal Goulet, candidat, et Vistel Ganongo, candidat aussi. Voilà. Donc, tous les autres affrontent la chaise. Exactement. Sauf ces trois-là, qui s'affrontent ensemble. Tout à fait. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir des chaises, mais ça va être pour s'y lancer dessus. Ça. Comme à Jerry Springer. Non. À Jerry Springer, ça joue-tu encore? Oui, c'est toujours là. Hein? Toujours autant de classe, je trouve. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est l'émission Maury. Ou de ces temps-ci, c'est que des tests de paternité, genre. Okay. Tests d'ADN, est-ce que tu me trompes? Est-ce que tu as couché avec ma mère? Est-ce que. À toutes les émissions, ouais, c'est fou, là. Ah! Mais c'est le fun. On va aussi avoir la chronique Ça existe, mais ça devrait pas là, où on va vous créer des besoins. C'est dans l'émission d'aujourd'hui pour essayer de mettre un petit peu de légèreté dans tout ça. Mais on débute avec une chanson qu'on dédie aux grévistes, hein, parce qu'elle s'appelle Teenage Rebellion Time. OK? Pour la rébellion. C'est les adolescents, jeunes adultes, tu sais, dépendants. Voici The Ketamines au 89.1. Yeah. vraiment trop en dedans pour ce qui se passe en dehors. Mon cœur part, mais mon corps reste. Et ma tête s'évapore. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Le futur nous mène et en même temps nos souvenirs s'éloignent, même si on se perd trop souvent. Nos histoires nous accompagnent. Reste avec moi, je t'en. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Reste avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à ce que j'oublie le lendemain. Avec tous ces amours qui passent et qui meurent, qui nous marquent et nous blessent. Et tous ces orages qu'on tient dans nos mains, qui éclatent et se brisent. Une pièce de Galaxy qui s'appelle « Jusqu'à la fin » à Assemblage Requis sur l'album Tigre et Diesel. Une des seules pièces qui n'a pas encore été dans le palmarès. Ouais, exact. Mais une des très, très, très bonnes. En fait, l'album de Galaxy au complet, c'est à conseiller comme toujours. Vous êtes toujours à Assemblage Requis à 7h08 ce matin. Et j'avais envie de parler de quelque chose, François. Est-ce que tu as vu ce qui a été passé sur Facebook depuis les dernières heures, l'article censuré du Nouvelliste? Non, non, j'ai pas vu. T'as vu ça? C'est notre ami Jasmine Raymond-Drainville qui a partagé ça sur Facebook en disant qu'elle savait que ça serait modifié. C'est un article du Nouvelliste qui a été publié hier, que vous avez peut-être lu, mais en version plus courte aujourd'hui, parce qu'il a été censuré. L'article dit « Le Nouvelliste a appris que la direction de l'UQTR s'apprête à annoncer un congé de cours pour demain. » Bon, ça, c'était hier, donc aujourd'hui, jeudi 22 mars, afin de permettre à tous les étudiants de participer à la manifestation de Montréal. La direction consentira ainsi une réorganisation de son calendrier scolaire le jour même où des milliers d'étudiants sont attendus à Montréal pour manifester. L'article aujourd'hui, si vous allez le voir, se termine là. D'accord? Il est point. T'sais. Il y avait un paragraphe hier de plus. Réunis en rencontre ce matin pour décider de la suite des choses, la haute direction de l'UQTR appuyait manifestement le mouvement étudiant à leur façon, alors que les cadres présents portaient tous un vêtement rouge. La rectrice Nadia Gazzelli portait en effet une robe rouge, alors que d'autres cadres étaient tous vêtus d'un vêtement ou d'un accessoire rouge, rappelant le petit carré de tissu rouge porté par les étudiants. Ce paragraphe-là a été censuré. Je sais pas si... Ils l'ont enlevé? Oui, complètement. Ah. Et le lien sur Facebook. Ben, j'imagine que, dans le fond, l'article disait « les cadres présents ». La phrase dit « les cadres présents portaient tous du rouge ». Peut-être qu'il y a d'autres cadres qui n'étaient pas présents à ce moment-là, mais qui sont arrivés plus tard et qui, eux, ne soutiennent pas la cause ou, eux, ne portaient pas de rouge, se sont plaints pour dire « hey, c'était pas tout le monde qui avait un carré rouge » ou qui avait un vêtement rouge ou un accessoire rouge. Mais quand même, la photo est sur Facebook en ce moment, donc allez la voir si ça vous intéresse. Pour l'instant, on continue en musique avec une pièce que tu nous suggères, François. Oui, c'est... ben, en fait, là, rappelle-moi l'artiste. Comment ça... Comment prononcer? C'est dur à dire. C'est Gauthier. Je sais pas. Je l'ai comme jamais entendu. Et la pièce, c'est Somebody That I Used To Know. Exactement. C'est très relax. J'aime bien cette pièce-là. Est-ce que t'as vu la vidéo, le vidéoclip, en fait, sur YouTube? Ouais. Ouais. Ben, c'est toi qui me l'as dit tantôt. Un peu ça. C'est un cover. Oui, c'est un cover et c'est pas le vrai vidéoclip. Le vrai vidéoclip, c'est très, très facile à trouver aussi sur YouTube. Mais celui que vous avez, ben, en tout cas, j'imagine peut-être vu, François l'avait pas vu, mais 76 673 304 vues. On s'entend que bien des gens l'ont vu. Donc, on va vous mettre le lien sur assemblagerockey.com pour les autres. Et puis, on écoute la pièce Somebody That I Used to Know, 89 FM. C'est fou. C'est excellent. Vraiment très bien. Ouais, c'est bien. Mais dans ces danses que j'ai à t'aimer, je ne

Un habitué d'Assemblage Requis, Topanga, avec la pièce Fogo Island sur l'album Oceans. Oui, c'est bien Assemblage Requis, c'est bien l'émission matinale en pièces détachées. On continue notre série sur les élections de la GEQTR et on commence aujourd'hui notre série avec le candidat à la vice-présidence à la vie associative et à l'environnement, Mathieu Roy. Bonjour. Bonjour à vous, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui. Génial. Écoute, on va commencer. 6 questions relativement simples. Tu réponds aux questions et puis tout se déroule très bien. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ah ouais? Parfait. Excellent. On aime ça les postes comme ça en politique. Génial. Écoute, est-ce que premièrement, tu peux nous décrire un peu le poste pour lequel tu te présentes candidat? Les fonctions exercées par ce poste sont quand même très, très simples. C'est vraiment s'assurer de la cohésion de la population étudiante à la base, d'être en contact avec les représentants d'associations. C'est sûr et certain que le chemin se fait beaucoup plus facilement avec eux qu'en allant voir chaque étudiant directement. Mais c'est vraiment s'assurer qu'il va y avoir une cohérence au niveau des institutions, s'assurer qu'on va avoir des représentants sur le conseil d'administration de l'AGE pour avoir vraiment un suivi et s'assurer que tout va cohérer ensemble. Okay. Deuxième question, quelle est votre concentration d'études et depuis combien de temps? Je suis à ma troisième année en histoire. Malheureusement, j'ai pas encore mon bac. Il me manque seulement deux cours que je vais faire l'an prochain. Et c'est pour ça que je vais me déplacer un peu mon cursus vers les communications, que je crois être une lacune présentement pour moi. Donc, je vais aller chercher des cours en communication pour faire ma quatrième année et ensuite aller avoir mon bac en histoire. OK. C'est quoi vos expériences pertinentes par rapport au poste pour lequel vous présentez? Cette année, c'est sûr et certain que j'ai eu la présidence de l'Association des étudiants d'histoire, qui est une bonne expérience. Okay. J'ai été animateur de la Luitre également cette année. J'ai toujours été dans l'organisation d'événements par les emplois que j'ai effectués. Je suis une personne qui a 27 ans, j'ai travaillé beaucoup, j'ai voyagé à l'étranger, j'ai travaillé au Costa Rica, j'ai été établi là-bas. Donc, j'ai travaillé pour une entreprise de guide touristique. Donc, c'est des choses que je suis habitué de faire, s'assurer d'avoir tous les gens, communiquer, s'assurer que tout va se dérouler pour le mieux. C'est des choses que j'aime vraiment faire. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est quand on sent que quelque chose nous interpelle, moi c'est plus cette chose-là qui m'a donné le goût de m'inscrire à cette poste, de faire ma mise en candidature. C'est vraiment, j'ai le goût de faire ce travail-là. Justement, quels sont vos projets si vous êtes élu à ce poste? Tout d'abord, je vais m'assurer d'améliorer le financement de chacune des associations individuellement ou en travail d'équipe, parce que certaines fois, comme des petites associations comme la nôtre, on a le problème qu'on n'a pas assez d'effectifs pour faire un événement qui a de l'ampleur ou qui va être rentable. Comme les gens d'ingénierie, eux vont être capables, ils sont beaucoup plus, comptabilité également. Mais pour les petites assos, c'est beaucoup plus difficile. Fait que je veux vraiment faire une aide au financement pour que ce soit fait soit en partenariat avec les autres associations ou en seul. Mais il faut rentabiliser le 10-12. Moi, je me rappelle, ça fait quand même juste 3 ans que je suis ici. Mais la première année que j'étais ici, le mercredi, c'était fou au 10-12. Maintenant, il y a eu un déclin. Mais je crois que c'est en ramenant les activités de financement qui sont produites maintenant à l'extérieur de l'université, en les ramenant ici, qu'on va pouvoir rentabiliser. Parce que c'est bien beau aller ailleurs, mais en même temps, c'est comme le Tim Hortons, ils nous donnent pas de bourse. Là. C'est ouais. ici à la chasse, il y a une rentabilité un peu plus à long terme. Tu sais. OK. Pour vous, le jeu UQTR, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est une bonne question. C'est la question, celle-là. Ben, le jeu UQTR doit représenter l'ensemble des étudiants, premièrement. C'est sûr et certain qu'on peut pas appliquer ça à 100% parce que c'est impossible. Mais en même temps, il faut s'assurer qu'on ait la plus grande cohésion entre étudiants. Mais le rôle, selon moi, des officiers est vraiment plus d'oublier sa personne soi puis d'être vraiment à l'écoute des autres. C'est vraiment ça qui va faire progresser parce qu'il y a 9 personnes qui sont élues. À 9 personnes, tu sais, on peut dire on va changer le monde, mais en réalité, ça te prend plus de monde que ça. Fait qu'il faut s'assurer... ça roule. OK. Mm-hmm. Et dans le même sens, cette dernière question, quels sont les enjeux importants de l'AGEQTR pour l'année prochaine? Et non, on parle pas seulement de ton poste, mais juste l'AGEQTR en général. L'AGEQTR, c'est sûr que là, présentement, l'enjeu principal, je pense que c'est la hausse des frais de scolarité. Ben, la hausse des frais de scolarité va être un enjeu jusqu'à temps qu'il y ait vraiment une décision qui soit prise là-dessus, qui va probablement terminer à la fin de la session, j'imagine, qui va... Le mouvement ne pourra pas reprendre autant d'ampleur, selon moi, à l'automne qu'il y en a présentement. On doit vraiment être dans la vague sur ce le moment. On s'entend qu'aujourd'hui, c'est la journée. C'est la journée, ouais, exact. Fait que, non, faut, les prochains défis, ça va être de s'assurer de rentabiliser l'AGE par ses services, aux étudiants, que ce soit les zones campus, c'est fou, toutes les choses qui sont reliées à travers le monde étudiant, ils doivent être plus disponibles, plus accessibles. C'est vraiment, selon moi, l'avenir est là de l'AGE, c'est de s'assurer d'être vraiment quelque chose de cohérent. Fantastique. En terminant, est-ce que vous avez un slogan, une question? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ben moi, j'avais trouvé comme slogan « Ensemble pour nous ». Parce que moi, c'est vraiment... C'est le premier qui a un slogan, là. Oui, bravo. Ouais, moi, j'ai toujours une vision d'équipe. J'ai toujours... Parfois, on me donne le leadership, mais parfois, je l'ai pas. Mais je consens que mon rôle va changer selon les équipes dans lesquelles je vais travailler. Faut savoir travailler ensemble. Puis, dans le fond, ça va être nous les plus grands gagnants de tout ça. Si on réussit, c'est ça que ça va faire. Fantastique. Mathieu Roy, candidat vice-présidence à la vie associative et à l'environnement. Oui, l'environnement. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. On revient pour l'expérience. Ah, ça nous fait plaisir, tu reviens quand tu veux. Nous, tantôt, on va recevoir les trois candidats à la vice-présidence aux affaires socioculturelles. Michael Mani, Pascal Goulet et Vistel Galango. Mais pour l'instant, voici Sago. Ça finit par la même syllabe. Ouais. Assemblage requis, ça c'est fou. Une mine sale mine, une mine de ferraille. Une vieille tour, une vieille tour, une vieille tour. Une vieille tour, une vieille tour, une vieille tour. Et quand la cloche sonne pour manger le bourguignon, ses compagnons résonnent et lui font péter les. Ça détonne, il retourne dans les baffes. C'est à 10 000 pieds sous terre qu'il a construit sa maison. Et c'est avec les vers et les petits fourmis qu'il dormit sans peine. Comme un vieux garçon. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 7h33 avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est cette émission qu'on appelle communément Assemblage requis ou par son petit nom À Shrek? Mettons? Non? Pas vraiment. Personne fait ça, hein? Non. Je suis seul, hein? Ouais. Ça semble aussi. Je te rejette. Oui, donc on continue notre série sur les élections de la GEQTR et prochain candidat, François-Olivier? Oui, on parle du poste de vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Donc on reçoit le premier candidat, Michael Magny. Bon matin. Bon matin tout le monde. Vous allez bien? Oui, la voix un peu maganée, je m'en excuse. T'es pas tout seul au moins. Non, effectivement. Yann Julie aussi qui avait la voix et Malik. Malik aussi. Ouais, exact. Ça fait dur. Donc, première question, même question pour tout le monde, évidemment. Pouvez-vous décrire le poste de vice-président aux affaires socio-culturelles? OK. Principalement, c'est organiser les événements où c'est un peu plus festif, évidemment, socio-culturel. Les événements aussi où on a des artistes du campus qui s'expriment, qui font de la musique, qui font de la poésie. Il y a une soirée poésie la session passée qui, à mon sens, a été excellente. Les photos. Moi, il y a un art que j'aimerais voir plus sortir, c'est le cinéma. Je vais faire... C'est mon mandat principal, mon idée principale, c'est celle-ci. Mais voilà, le poste au socio-culturel siège sur énormément de comités, d'organisations, d'événements. Et assez en partenariat avec le vice-président à l'interne aussi, d'ailleurs, entre les associations. Mmh. OK. Quelle est votre concentration d'études et depuis combien de temps? Je suis en philosophie depuis 3 ans. OK. Quelles sont vos expériences pertinentes pour le poste pour lequel vous vous présentez? J'ai été pendant 2 ans intervenant dans une maison des jeunes d'un quartier défavorisé. Ça m'a permis de faire de l'organisation de fêtes de quartier, entre autres, de travailler en équipe aussi, de travailler avec des étudiants internationaux, des internationaux en fait, parce que dans le quartier où j'étais, il y en avait énormément. C'est malheureux, mais c'est une réalité. C'était un quartier défavorisé. Et sinon, j'ai fait le comité du carnaval cette année, cette session aussi. Donc, dans l'organisation officielle, j'ai pas énormément d'expérience, je l'admets. Dans l'officieux, par contre, j'ai été un peu omniprésent. J'ai été l'éminence grise de beaucoup de comités, etc. OK, d'accord. C'est quoi vos projets si vous êtes élu? Comme je le disais tantôt, c'est le cinéma. Je sais pas si les soirées au 10-12, les mercredis 10-12 sont encore très populaires. On me dit que ça l'est de moins en moins. Ça a l'air que ce serait compliqué d'avoir les permis de projection, etc. Mais j'aimerais faire des présentations cinématographiques au 10-12, entre autres. Sinon, une des choses que je trouve très importante, c'est que c'est d'être ouvert aux suggestions. Donc, des idées par moi-même, c'est bien beau, mais je veux pas que ce soit une dictature au socio-culturel. Donc, je vous invite tous et toutes à venir me suggérer des idées. Pour vous, la GEQTR, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est un poids politique, essentiellement. C'est une instance qui représente tous les individus qui, s'y étaient isolés, par exemple, en faculté, auraient peut-être, je dis bien peut-être, moins de poids. Il y a aussi, on entend entre les branches certaines idées de fédération, de confédération, de faculté, etc. Je sais pas si c'est une bonne idée, je suis pas un spécialiste dans la chose, mais l'AGE, c'est ça, c'est pour donner un poids, parce que le nombre, l'union fait la force bien souvent, et ça permet d'aller chercher plus d'argent puisqu'on est nombreux, ou ça permet d'avoir une influence plus grande sur l'administration pour des décisions X ou Y. Bref, c'est d'assembler les étudiants sous une bannière. Et selon vous, c'est quoi les enjeux importants pour la prochaine année? Pour la GEQTR? C'est chiant comme question. Parce que j'entends beaucoup de choses entre les branches dans l'informel avec les actuels membres du CX que je connais. Il y en a plusieurs qui se représentent aussi, puis j'espère de faire travailler en équipe avec eux. C'est un de mes grands souhaits. Mais les enjeux à venir, je peux-tu en dire sans spoiler, si vous me passez l'anglicisme? Tu dis ce que tu veux. C'est un punch. Premièrement, on va voir comment se termine la mobilisation actuelle, là, que ce soit qu'il y a un retour, le gouvernement retourne sur sa décision ou non. Ça va influencer, ça va transformer le visage académique, c'est évident. Mais les grands enjeux de la prochaine année, si j'ai pas le droit de parler de ce que je sais, non, j'ai aucune idée. Bon. Okay. D'accord, donc on y va avec le dernier mot, un slogan, une phrase, une pensée sage. J'en ai un pseudo-slogan. Okay. C'est « La culture, c'est à nous de la faire ». Ah, c'est très bien. Très bien. Ouais, voilà. Donc, Michael Magny, un des candidats à la vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Oui. Et on va continuer avec un autre candidat. François-Olivier, je te laisse le présenter. Oui, exactement. Pascal Goulet, toujours candidat à la vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Bon matin. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va très bien. Vous aussi? Bien oui, merci beaucoup. Génial. Écoute, on va commencer le même principe que Michael, le candidat, l'autre candidat. Ça va. Premièrement, est-ce que vous pouvez nous décrire le poste? Le poste de VP socio-culturel, selon moi, c'est un poste qui permet de répondre aux intérêts des étudiants à l'université. autant que ce soit au niveau social que culturel, justement. C'est de répondre à leurs intérêts. C'est sûr, comme Mickaël l'a mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est un poste qui est un petit peu plus festif que les autres. C'est lui qui va organiser des activités un petit peu plus festives, justement, pour répondre justement aux intérêts toujours des étudiants de l'université. Mm-hmm. Quelle est votre concentration d'études et depuis combien de temps? J'étudie en loisirs, culture et tourisme, communément appelé récréologie. Et puis, c'est ma troisième année que j'étudie dans ce programme. OK. Et c'est quoi vos expériences pertinentes pour le poste? En fait, cette année, justement, les gens ont pu me voir dans le carnaval étudiant. Depuis la première année de mon bac, j'ai été président de mon association, justement, au niveau socio-culturel. Je sais pas si les gens ont entendu parler de Intro Rapide, c'est justement ce comité-là qui organise les événements dans notre association pour justement recueillir des fonds pour l'intégration de l'année suivante. Okay. Ensuite, quels sont vos projets si vous êtes élu? En fait, moi, je prends trois axes durant mon mandat. Le premier, c'est de maximiser les aires communes. Comme on peut voir cette semaine, il y a beaucoup de gens qui se promènent un petit peu partout sur le campus. C'est justement un campus comme ça que j'aimerais voir de plus en plus arriver à l'université. En fait, je trouve que c'était vraiment festif cette semaine. Oui, c'est pour un intérêt en particulier, mais par contre, organiser des activités dans ce style-là, justement pour justement enjouer l'université, avoir des jams un peu partout, avoir des parties de sucre à l'extérieur. Les gens internationaux connaissent pas nécessairement ça. Justement, mon deuxième point, c'est d'inclure davantage les étudiants étrangers à se joindre à nous pour en connaître davantage sur eux puis qu'eux en connaissent davantage sur nous. Et puis, finalement, rehausser un petit peu l'image de l'AGE au niveau des activités. Pas nécessairement juste faire des parties, mais faire des activités aussi un petit peu plus conviviales et non seulement axé sur l'alcool. Donc, voilà. OK. Et t'en parlais, en fait, mais pour toi, l'AGE UQTR, c'est quoi? Ben exactement, c'est ça. Dans le fond, c'est de répondre aux intérêts de tous et chacun. C'est 9 personnes qui sont élues, qui vont travailler dans ensemble toute une année complète, justement, pour travailler pour l'intérêt des étudiants. Et puis, pour répondre autant social qu'académique, que culturel, vraiment à tous les niveaux, tous ensemble, dans le fond, c'est de répondre en une seule voix ce que les étudiants veulent, justement, comme vie associative, dans le fond. Et on va terminer avec la question maintenant fameuse et célèbre. Quels sont les enjeux importants de la GEQTR pour l'année prochaine? Bien, c'est sûr que présentement, comme tous les autres participants, j'imagine, l'ont mentionné, tant on s'entend que la manifestation n'est pas terminée, on ne pourra pas nécessairement savoir ce qui va se passer prochaines années. Mais c'est sûr et certain, continuer à garder le cap au niveau des intérêts des étudiants. Selon moi, c'est là que tout se joue. Donc voilà, c'est... OK, et en terminant, un slogan, une phrase, une pensée? Oui, tout à fait. Moi, j'ai comme slogan justement « Votre campus en action ». Vote, parce que comme je l'ai dit depuis le début, c'est l'intérêt des étudiants. C'est oui, ça serait moi ça serait nous qui serions élus, mais en fait, on va agir en fonction de vos intérêts. Donc c'est votre campus qui se doit d'être en action. Donc voilà. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Pascal Goulet, candidat à la vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Bien, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bien, à vous aussi. Oui, et il nous reste un dernier candidat à recevoir tantôt, Vistel Ganongo. En tout cas, espérons-le, autre candidat à la vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Pour l'instant, on écoute David Giguère. Voici encore. Assemblage requis jusqu'à 9h. Elle est née entre l'été et l'automne. Prison de mœurs et des amours, téléphone. Et puis elle joue et puis me déjoue et à son jeu j'ai tout perdu. Mais moi je m'en fous car sous sa robe se cache une issue. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Encore. passé sa vie à se courber le dos dans les jardins de nos ébats. Il y a un secret, en fait le tien, auquel tu tiens bien plus que moi. Et tes amants qui par milliers viennent déterrer ce que j'ai trouvé. Allez creuser, allez crever dans les sentiers de sa beauté. Alors je prendrai mon temps, encore du temps. Je regarderai dehors, voir si ça se peut encore. Chuck avec Facebook sur l'album Le Tour du Chapeau. Toujours un succès, cette femme. Always a hit. Always a hit, hein? La radio là, qui joue des hits relatifs. On pourrait appeler ça comme ça, c'est fou, hein? C'est hit relatif. Ouais, hit pour nous autres, en tout cas. Et puis, j'avais trouvé un bon acronyme pour la radio pas claire ici à Trois-Rivières. Là. Ah oui, ben je suis pas sûr que c'est le genre de choses qu'on devrait... Hein. C'est ne répète jamais les chansons. Oh! Ne répète jamais. Ah. Ouais. En tout cas, on pourrait continuer longtemps hein, à rire de ça. Mais on le fera pas. On le fera pas. On le fera pas parce qu'on a du respect, on est fin. Ouais, bon. Exactement. 7h48 à Assemblage requis en ce jeudi 22 mars. Plus tard dans l'émission, Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène, ça s'en vient. On a aussi, on est supposé avoir un dernier candidat pour les élections. On compte pas trop là-dessus, mais quand même, on est sur la liste. On veut pas privilégier les autres en disant qu'il ne se présentera pas. Là. Donc on va entendre Seth de Whale. Voici We Are 1980 au 89.1 FM. C'est fou. Into the wind, it's an empty cold outside. I sent you back just the smoothest rock I could find, accompanied by just a couple of words came to mind. It's an old concept, sending letters again. Well thought out, rehearsed and written in pen. Paperless here is a thing of the past. Down the trees and using our guys. We've got Mandarax, loveless sex, and information passing right through our skinny Just from Nirvana when the sparks are always fire, 'cause you drink for relief with the heart of a child and the wit of a fool. It's a wonder why I don't try to build a wall around you. And I watch as your head turns full circle. Full Circle de Half Moon Run à Assemblage Requis. On s'écoute une dernière petite pièce avant de terminer cette heure-là. Qu'est-ce que t'en penses, François? Je pense que ça va le mener. Allons-y. Allons-y. On écoute Les Surveillantes. La force de la gravité. Ah, c'est fou. 2 plus 2 plus 1 plus 4 plus 9 plus divisé par 2. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Dans ma classe de physique, j'ai réalisé qu'Isaac Newton était un romantique avec sa théorie de la gravité. Et pourquoi nos deux corps se sont attirés? Ce n'est pas une pomme qui lui est tombée sur la tête, c'est plutôt un coup de foudre au fond de son être, rêvant tout doucement à ce grand mystère. La réponse lui est venue dans ses calculs. J'ai calculé la force, la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. J'ai calculé que la force de la gravité qui nous pousse l'un à l'autre pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. Je veux renommer cette théorie, lui donner un nom bien plus joli pour décrire cette force sublime qui pousse les gens à faire des folies. Comme une pomme qui me tombe sur la tête, je ressens la foudre, je ressens ton éclair illuminé. Je me laisse aller à cette force plus grande que la gravité. J'ai calculé la force de la gravité qui existe entre nous à un mètre l'un de l'autre. Mes grands calculs m'ont donné 2,2979794899 fois 10 exposant moins 7 newtons. Pourrait augmenter si on s'approchait. Qu'est-ce que tu en dirais si on s'approchait? La gravité s'aggraverait. La chanson préférée de François, je la mets juste pour lui, François Louis Marchand, pas François Landry quand même. Hein? Ah oui, hein? Ça est du chiptune, ça. Ça résume bien tes choses préférées. Chiptune, la musique de jeux vidéo. À chaque fois qu'il fait la blague, je me dis personne ne comprend, mais c'est pareil. Hein? Yeah. Tu ris de moi, c'est ça que ça veut dire. Bon. Non, je ris pas toi, je dis juste que j'aime pas ça. C'est correct, t'as le droit. François Landry n'aime pas non plus la chiptune de toute façon, fait que c'est correct. c'est un son strident, ouais. Ça me fait mal aux oreilles. Je suis un incompris. C'est correct. Hey, t'es là pour parler de la grève, encore une fois, grève générale illimitée, pour se mettre à jour un petit peu, parce que la dernière fois qu'on s'en est parlé, en tout cas... C'était comme hier matin, je pense. C'est ça, genre. Ouais. Entre-temps, t'es allé au dîner de cons, il s'est passé pas mal de choses hier importantes. Ouais. Une journée très importante hier, puisque La commission des études de l'UQTR ainsi que le conseil d'administration de l'UQTR ont entériné une décision que nous avions négociée avec la rectrice la veille. Donc, on avait demandé à ce qu'aujourd'hui, le 22 mars, pour la grande manifestation nationale à Montréal, qu'il n'y ait pas de cours sur le campus. Donc, nous, on demandait suspension des cours. Il n'y avait pas le droit, je crois, de donner le cours. Il n'y avait pas le droit parce que c'est une règle. Mais là, je pourrais mettre des grosses guillemets sur le pas le droit parce que l'Université de Montréal a suspendu ses cours aujourd'hui. Oh. Donc, et le cégep de Trois-Rivières, cégep de Drummondville, cégep de Trois-Rivières, cégep de Shawinigan aussi. Okay. Donc, le pôle droit... Cégep de Trois-Rivières, ça a sorti hier. C'est sorti, ils sont en grève aujourd'hui. Ils ont voté, ils ont fait une assemblée générale, c'est ça? Non, pas un vote électronique. Okay. Aujourd'hui, 70% pour la grève. Là, ça crée une espèce de remue-ménage, cette affaire-là, de vote électronique. Il y a des gens qui sont contre. Là. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir contre ça? Je pourrais revenir, genre, demain pour t'en parler. Ouais, OK. Ça va me faire plaisir. On n'est pas en onde demain. OK, bon. Ben, appelle-moi quand même, on s'en parlera. C'est ça, on s'en parlera, on prendra une bière ensemble. Mais oui. Mais bon, ou lundi, je pourrais t'en parler. Okay, mais, ou si on a deux minutes tantôt. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, donc, l'UQTR a non pas suspendu les cours. Journée mais de travaux et d'études. C'est ça. Donc, c'est comme à l'automne, la semaine de travaux et études que nous avons à l'automne, au mois d'octobre-novembre. Okay. Donc, une semaine sans cours. C'est pour être chez nous, travailler, avancer nos affaires, mais pas le droit de recevoir de la matière ni d'être évalué pendant cette semaine-là. Donc, c'est interdit de par le règlement de l'UQTR et du gouvernement. Donc, ils ont dit on va transformer le 22 mars 2012 en une journée de travaux et études, donc de congé. Ça, il y avait le droit. Il y avait le droit. C'est libre à chaque université de savoir quand est-ce qu'ils décident qu'ils tiennent cette semaine-là. Habituellement, ils font ça à la 7e semaine de l'automne. La 8e tombe en travaux études et ensuite il reste 7 semaines de cours. Okay. Donc, grosso modo, c'est ça. Et là, c'est pour une journée seulement. Pour une journée, le 22 mars. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de cours ni d'examen à l'UQTR. Vos professeurs chargés de cours en sont informés. Oui. Donc, présentez-vous pas, il n'y en a l'UQTR, pas. L'UQTR, il n'y aura pas un chat. Là. Allez à la bibliothèque, oui, mais encore mieux, venez à Montréal. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment sur le campus, ils sont tous prêts à embarquer dans l'autobus. Finalement. Exactement, ça va être la foule, foule en délai. C'est comme si le Canadien de Montréal était de passage à Trois-Rivières avec la Coupe Stanley. Ben oui. Chose impossible. Mais il y a autant de monde que si. Mais parlant de hockey, il y a des rumeurs qui disent que peut-être qu'éventuellement, je sais que c'est pas quelque chose que tu souhaites, là, mais qu'il pourrait y avoir un certain débordement étant donné le nombre de gens. Ça, j'y crois tellement pas. Non, j'y crois tellement pas parce que, imaginons, le chiffre qu'on avance, nous autres, c'est 100 000 étudiants à Montréal. Ouais. 100 000 minimum. Ah, minimum. Imagine un crétin qui décide de casser une fenêtre. Il y a 99 999 autres personnes qui vont le pogner par le collet puis y botter les fesses. Ouais. C'est clair, net et précis. On l'a vu dans les différents médias sociaux, sur YouTube, même les journalistes l'ont vu. Dès qu'il y avait un crétin qui cassait une fenêtre pour le fun, pour dire « Hey, j'ai cassé une fenêtre dans ma vie », il se faisait ramasser par ceux qui avaient des flûtes à bec. Là. Tant mieux. Oh, est-ce que c'est toi qui as posté la caricature sur Facebook où on voit une foule de gens, 99 personnes à gauche, et la personne les regarde, et à droite, il y a une personne qui tabasse un char de policier, puis là, tous les journalistes sont autour. C'est moi. C'est une belle caricature. Oui, ben, c'était la réalité parce qu'il y a un crétin qui peut faire dérailler le message envoyé par les 100 000 manifestants aujourd'hui. Ouais. Mais je ne croirais pas qu'il soit assez crétin à ce point-là, ces crétins-là. Je le dis, C'est encore drôle. En fin de soirée, ils le feront, la manifestation sera finie. S'ils veulent être innocents, ils le feront, mais ils vont se faire ramasser. Puis en même temps, il y aura un cordon de sécurité autour de la manifestation par des bureaucrates, des gorilles, là, des personnes que tu regardes puis tu vous vois. Ah oui, comme moi. Ouais, comme toi, là, mais avec 300 livres de plus. Ouais. De muscles. Hey, il y a ce feu, tout. On a la même shape. Que, hey, puis en fait, c'est ça, c'est la rectrice qui a annoncé ça hier pour la semaine, pour la journée de travaux et d'études. Tout en portant zéro. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça a semé une petite controverse médiatique. Censure. Parce que la rectrice était de rouge vêtue. Mm-hmm. Le secrétaire général de l'UQTR avait une chemise rouge. Ouais. La responsable des communications avait un chemisier rouge et M. Arbour avait une chemise rouge-orangée. C'était teinté. Là. Orange brûlé. Et là, assis au bout de la table, lors de la conférence de presse, les journalistes n'ont pas pu passer à côté de la remarque pour dire « Est-ce que c'est voulu? » Parce que le symbole étudiant, présentement, c'est le carré rouge. Sinon, à part la Saint-Valentin, il n'y a pas grand rouge dans la vie en général. Si on avait été le 15, 13, 14, 15 février, j'aurais dit « OK, ils sont romantiques. » Mais là, le 21 mars, de rouge vêtu, nous autres même, on s'est fait un clin d'œil en voulant dire « Ils nous appuient. » Et là, les journalistes ont fait paraître sur Cyberpresse, pour ne pas le nommer, un gros paragraphe disant que l'administration de l'UQTR appuyait la manifestation étudiante pour la levée de cours, mais aussi parce qu'ils avaient revêti des vêtements rouges à connotation lutte étudiante. Et ça a été retiré, ça n'a pas été long. Non, j'imagine, hein, un téléphone. Pis... Oui, ben on a eu le temps de faire des print screens et des photocopies d'articles. Inquiète pas. Sur Facebook. Je l'ai à mon bureau. Mm-hmm. Puis j'ai écrit à la journaliste pour demander pourquoi elle avait retiré ça. Elle dit ben, parce qu'on a eu une directive de l'UQTR pour dire que c'est pas volontaire cette. C'était pas volontaire. C'était pas volontaire. Il n'y a personne qui leur a posé la question. Oui, il y a une journaliste qui l'a reposé. Ils sont tous partis à rire pour dire écoutez, on n'avait plus rien dans le garde-robe, on a mis ce qui nous restait. Mais de toute façon, il n'y a pas une règle journalistique. Il me semble, en tout cas, j'entends parler souvent de cette règle journalistique-là, que sur un blog, tu peux pas juste enlever complètement un passage sans noter au début de l'article que cet article a été modifié à telle date. Faudrait que tu montres cette règle-là, parce que moi, je ne l'ai pas, cette règle-là. C'est ce que bien des gens font, en tout cas, en journalisme. Oui, beaucoup d'articles, c'est l'article du matin modifié en courant de la journée, donc il vient modifier l'article du matin. Au moins, il aurait pu changer le paragraphe juste pour dire l'impression était que, mais l'UQTR confirme que non, c'est pas le cas. Mais ça a été retiré. J'appelle pas ça de la censure. Moi, c'est un très beau clin d'œil, puis j'ai contacté la journaliste pour dire merci quand même si ça a été censurant, entre guillemets. Mm-hmm. Je vais pouvoir relire cet article-là que j'ai photocopié avant lorsque, dans mes vieux jours, je me remémorerai le mois de mars. Mais 2012. Même s'il n'y a pas de règles, c'est juste de l'éthique journalistique, comme on dit. Hein? Bon. Voilà. Donc, prochain sujet, on disait. Oui, donc 10h30, les autobus partent en face de l'UQTR. Ce matin, là. Ce matin, 10h30, maximum, vous arrivez à 10h31, c'est de valeur, mais l'autobus sera déjà sur l'embrayage, donc en train de partir. On ne peut pas partir en retard, ça va prendre 3 heures rentrer dans Montréal aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens de Gaspésie, de Rimouski, Québec, Rivière-du-Loup, etc. Il n'y aura pas de pont bloqué, là. Oui, mais par le trafic. OK, oui. Mais pas par les étudiants. On va être à Montréal, inquiétez-vous pas pour ça. Je t'envoie pour une nouvelle, toi. Ben oui, pour lancer un message. Et non pas lancer une pierre. Ben oui, écoute, l'UQTR, on va être 500 personnes, peut-être même plus. Parce c'est bien. C'est 500 personnes qui partent de l'UQTR. 600 si on rajoute les autres autobus qu'on est en train de compiler les noms présentement. Plus un autobus des chargés de cours et des professeurs, en plus d'étudiants qui sont déjà à Montréal, Joliette, Montérégie, qui étudient normalement à l'UQTR, mais vu qu'ils sont en grève, c'est sont ça, parce déjà que, chez eux. Parce que les hors-campus aussi, là. Les hors-campus aussi, mais ne sont pas membres puis ils n'ont pas de position eux autres. Mais, non, mais ils peuvent se présenter à Montréal. Il n'y a pas de cours. Tu peux te présenter toi-même si tu n'es même pas étudiant. Oui. Puis ta mère aussi, je l'invite personnellement à venir manifester. Elle travaille, nous. Prendre congé, c'est pour une bonne cause. Hey. C'est pour ses enfants, ses petits-enfants même. Mais donc, tout le monde est invité. C'est à la Place du Canada que ça se déroule et ça se termine au Vieux-Port de Montréal. Okay. Donc, une marche de 7 km, mais qui va prendre environ 3 heures à parcourir. Mm-hmm. Ça va être la plus grosse manifestation étudiante, non seulement au Québec, non seulement au Canada, mais en Amérique du Nord de tous les temps. Donc, tout le monde est excité, là. Moi, je suis excité. Ouais. En tant qu'historien, c'est l'histoire qui s'écrit. C'est l'histoire. Là. Nous écrivons l'histoire aujourd'hui. Et si le gouvernement ne flanche pas à la suite de cette manifestation historique et gigantesque-là... Ben là, rentre-nous nos jeux vidéo. Écoute-moi... Call of Duty. Non, mais c'est une très bonne interrogation. Qu'est-ce qu'on fait si... Il y aura d'autres moyens et le mouvement étudiant va se radicaliser parce que là, le gouvernement, faisant la sourde oreille, il n'y aura pas d'autre chose. Les étudiants n'auront pas d'autre moyen de se faire entendre que par des coups d'éclat, lesquels, j'en ai aucune idée. Hier, par exemple, un des très beaux coups d'éclat qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rebaptisé, ils ont reformaté 300 publicités d'abri et autobus à Montréal. Là. Oui, j'ai vu ça. C'était très beau. Ils ont, bon, une publicité... de consommation, qui ont transformé, qui ont transfiguré en consommation d'éducation. Puis c'est très, très beau. C'est pas pire, ouais. Mais en quelques minutes, ça s'est fait 300 panneaux publicitaires. Boum! Boum! Donc, on voit qu'il y a des commandos étudiants très bien organisés à travers le Québec, très artistiques. Puis, très bon point. Et ils apportent de très bonnes idées, d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Ça fait changement. C'est comme rafraîchissant. Oh, ouais, c'est ça. Puis les vidéos sur YouTube... Écoute, le gouvernement du Québec a dépensé 200 000 $ pour promouvoir la hausse des frais de scolarité avec l'ajustement de l'aide financière. Donc, avec nos taxes, ils payent des pubs pour se justifier. Donc, on voit qu'ils sont dans un état critique présentement. Ils sont en panique au gouvernement. Mais pourtant, ils ont de l'air extrêmement calme. Ah, poker face. Ils ont de l'air. Ben, poker face. Est-ce qu'au budget... Poker face. On serait pas grand-chose. Et un étudiant de l'UQAM en communication a fait une vidéo d'une minute trente avec plusieurs artistes québécois avec une très belle trame sonore. Ça a coûté 0$. Donc, on voit que les étudiants contrôlent parfaitement les médias sociaux et c'est sur les médias sociaux que les étudiants s'informent le plus. Oui. C'est pas dans les grands bulletins de nouvelles. Donc, pour mobiliser les jeunes, pour les conscientiser... Nous avons l'avantage du terrain et loin devant le gouvernement. Donc, c'est là-dessus que la riposte se fera, se fait déjà et se fera dans les jours et semaines à suivre. Voilà. Donc, que le gouvernement se le tienne pour dit. Fantastique. Clair de même, hein? Ben, clair de même. C'est assez clair. Oui, oui. C'est clair. C'est assez clair. Écoute, François-André, on ne te dérange pas plus longtemps. On a apprécié ta présence tout au long de la semaine. Mm-hmm, écoute, je ne sais pas si lundi, ça serait possible juste de venir nous parler, parce que nous, en fait, demain, on n'est pas là. Je sais que le vote va sortir demain. Oui. Savoir si lundi, les cours reprennent ou... Je vais tout faire, mais ça se pourrait que je dorme aussi. Parce que j'ai comme 24 heures de sommeil, mais dans ma semaine. Même pas 24 heures, c'est trop ça. Je diminuerais ça. Parce que je fais des chiffres de 16 heures par jour depuis mercredi passé. Ça fait des bonnes journées. On va essayer de trouver quelqu'un. On l'entend. Donc, François Landry, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Mathieu. À très bientôt. Oui. Évidemment, on va le retrouver avec sa chronique. Éventuellement, le Goucrassé 101 ici. Oh, s'il vient lundi, on va essayer de mettre la main là-dessus. Oh, God. Promets pas trop d'affaires. On va terminer la première heure ici. Tantôt, Simon Fitzberry, sa chronique Phénomène, il va nous parler de Phil Oakes. C'est la deuxième partie de cette chronique sur ce musicien, ce chanteur engagé des années 60. Mais pour l'instant, une petite pause, puis on vient... Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. 8h12 à Assemblage requis avec François-Louis Marchand et Mathieu Plante. Et on continue tout de suite avec Simon Fitzbé qu'on accueille à l'instant parce qu'il nous reste quand même pas mal de choses à faire dans l'émission d'aujourd'hui. Donc voici Phénomène. Bon matin, Simon Fitzbé. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Très bien, merci. Très, très bien. Oui, on continue avec Phil Oakes. On en a parlé la semaine passée et il nous reste une deuxième partie à faire sur cet homme. Effectivement, bien, on a vu la semaine dernière Phil Oakes, un garçon de la classe moyenne qui a grandi dans une famille non politisée et qui a réalisé également une partie de ses études au collège militaire, qui est devenu, une fois à l'université, un journaliste chanteur extrêmement engagé et passionné pour la musique folk. Il s'est fait une place parmi les grands tels que Joan Baez. Baez, oui. J'ai toujours du mal à dire son nom, elle. C'est incroyable. Peter, Paul et Mary, ainsi que Bob Dylan en jouant au prestigieux festival Newport à plusieurs reprises grâce aux nombreux albums également qu'il a réalisés. Malgré tout, son engagement est tel qu'il a eu du mal à se démarquer dans la pop comme Bob Dylan a pu le faire. Il s'est d'ailleurs fait jeter hors de la limousine de Bob Dylan pour avoir été trop engagé. Cette semaine, donc, je vous présente la triste déchéance ainsi que la fin dramatique de ce journaliste socialiste chantant qu'est Phil Oakes. Et donc, en 1967, on s'était lâché à peu près à l'année 1966, hein, la semaine dernière, dans cette chronique qui était malheureusement pas terminée. Celle-ci, elle l'est, par contre. Et on se retrouve en 1967, qui est une année de renouveau pour Phil Oakes, qui change de compagnie de disques ainsi que de manager pour aller et également pour aller s'installer en Californie. Il tente de se diversifier, et de s'adapter aux nouvelles tendances musicales en travaillant sur une meilleure production de ses albums, en allant plus loin que les simples accords guitare-voix qu'on lui avait associés dans ses premières années. Il lance d'ailleurs l'album Pleasure in the Arbor en 1967. Il s'agit d'un album plus travaillé qui se distingue de ses opus précédents par l'utilisation entre autres de piano, de synthétiseurs et par l'ajout de certains cuivres en fait dans ses chansons. On y retrouve des airs classiques, Dixie et rock qui représentent très bien l'ouverture pop qu'on essayait de produire afin de rejoindre un plus grand public. Bien que certaines chansons soient dénuées de toute forme contestataire, le plus gros succès a émergé de Pleasure in the Arbor, la pièce Outside of a Small Circle of Friends, reste dans la pure tradition oakienne qui s'en prend aux gens qui décident de tourner la tête lorsqu'un drame se déroule devant eux. Outside the window, there's a window. woman being grabbed. They've dragged her to the bushes, and now she's being stabbed. Maybe we should call the cops and try to stop the pain. But Monopoly is so much fun, I'd hate to blow the game. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Riding down the highway, yes, my back is getting stiff. 13 cars are piled up, they're hanging on a cliff. Now maybe we should pull them back with our towing chain. But we gotta move and we might get sued, and it looks like it's gonna rain. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Sweating in the ghetto with the colored and the poor. The rats have joined the babies who are sleeping on the floor. Now wouldn't it be a riot if they really blew their tops? But they got too much already, and besides we've got the cops. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Oh, there's a dirty paper using sex to make her sales. The Supreme Court was so upset they sent him off to jail. Maybe we should help the fiend and take away his fine. But we're busy reading Playboy and the Sunday New York Times. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Smoking marijuana is more fun than drinking beer. But a friend of ours was captured and they gave him 30 years. Maybe we should raise our voices, ask somebody why. But demonstrations are a drag, besides we're much too high. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Outside the window, there's a woman being grabbed. They've dragged her to the bushes, and now she's being stabbed. Maybe we should call the cops and try to stop the pain. But Monopoly is so much fun, I'd hate to blow the game. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. La pièce Outside of a Small Circle of Friends de Phil Oakes, bien sûr, qui se retrouve sur l'album Pleasure in the Arbor. C'était bien sûr dans le cadre de Phénomène, dans le cadre d'Assemblage Rocky, avec Mathieu Plante, François-Olivier Marchand. Bonjour. Et Simon Fitzbé. Oui, moi, c'est Simon Fitzbé qui fait Phénomène. Et malheureusement, donc, pour Phil Oakes, l'album Pleasure in the Arbor ne reçoit pas l'accueil auquel il s'attendait. Les critiques ne considèrent pas qu'il s'agit d'une bonne direction pour les plus puristes, et les fans de pop remarquent malheureusement pas vraiment l'album. Outside a Small Circle of Friends, par contre, c'est quand même hissé à la 119e place des palmarès Billboard, alors qu'elle jouait un peu à la radio avant que les programmateurs la retirent des ondes pour des propos tenus par l'auteur, ainsi que ses allusions à la marijuana dans la chanson. Il dit que c'est plus le fun que de boire de la bière. Donc, les gens disent, les annonceurs de bière ont dit « Hey, faut pas tourner la bière, c'est pas plus fun. » Donc, c'est également le plus près qu'il fut d'une position dans le fameux top 40, c'est-à-dire donc les 40 meilleures pièces. Les top 40, comme les radios d'aujourd'hui. Le top 40, là, tout le monde connaît les top 40. Exactement. Donc, malgré qu'il soit maintenant sur la côte ouest, Oaks continue son travail pour les causes sociales qui lui tient à cœur. Il profite de la fameuse Summer of Love pour proclamer que la guerre du Vietnam est finie. Sa campagne War is Over, qu'il a mise sur pied 4 ans avant que John et Yoko l'entonnent dans dans leur chanson Happy Christmas, lui a permis d'avoir un peu d'attention des médias. En faisant de la sorte, il souhaitait convaincre la population et les dirigeants politiques que la guerre était terminée en proclamant à tous dans la rue armée de sourires et de joie. Vraiment, c'était comme une euphorie totale de la part des membres du mouvement War is Over. C'était quand même assez beau à voir. Au contraire de John et Yoko, bien sûr, qui eux ont utilisé les armes publicitaires pour, en guillemets, vendre leur message. Hein, parce que s'il y avait un simple qui se vendait autour de ça. Donc, Oaks récidive également sur disque en 1968 avec l'album Tape for California, un album dans la foulée de Pleasure in the Arbor où il revient avec son idée de War is Over avec une chanson du même nom qui reprend l'ironie de Outside of a Small Circle of Friends. Il donne également dans l'exercice de style en pastichant le style surréaliste de Bob Dylan dans la pièce de 13 minutes When in Rome, qui est excellente. Phil Oaks était également à la tête d'un mouvement à l'intérieur du Parti démocrate appelé Youth International Party ou Yippies. Les Yippies étaient un groupe de contestataires au sein duquel on pouvait retrouver également Abby Hoffman ainsi que Paul Krassner qui ont eu des carrières quand même assez significatives par la suite. Le groupe décida d'investir le congrès de l'investiture du Parti démocrate en 1968 en proposant un cochon comme candidat. Voyez-vous, c'est qu'avec la mort de Robert Kennedy la même année, il y avait plus de candidats désignés au sein du Parti démocrate et on devait en élire un nouveau en assemblée. Les Yippies représentaient une idéologie beaucoup plus radicale que l'establishment du Parti républicain en 1968. Ils étaient anti-guerre et pro-LSD. oui, c'est assez incroyable. Lundi matin, là. Fuck la guerre, nous autres, on va aller prendre du LSD puis se promener sur la plage. Oaks, pour sa part, lui, s'est rangé du côté d'Eugene McCarthy, qui était un candidat plus modéré quand même au centre, mais avec des idées de gauche assez importantes. Il fut d'ailleurs invité, dis-je, par ce dernier pour aller chanter dans les parcs de Chicago pendant la convention. Malgré les rumeurs de casse, il s'est rendu pareil et il fut aux premières loges pour assister à l'émeute de la convention démocrate de Chicago, une des plus grosses démonstrations de violence policière de l'histoire des États-Unis. Il fut d'ailleurs matraqué et arrêté par les policiers alors qu'il militait paisiblement dans une rue. Ces événements, ainsi que l'élection de Richard Nixon à la fin de l'année 1968, laissa Phil Oaks amer et désillusionné de la scène politique. Il lance d'ailleurs l'album Rehearsal for Retirement, un album comportant des pièces comme I Killed, Therefore I Am, Where Were You in Chicago, ainsi que The World Began in Eden and Ended in Los Angeles. De plus, également la pochette de l'album est quelque peu éloquente. On y voit une pierre tombale où il est écrit « Phil Oaks », entre guillemets « américain », ainsi que « né à El Paso, Texas en 1940 et mort à Chicago, Illinois, 1968 ». C'est vraiment quelque chose qui frappe, puis lorsqu'on connaît pas bien l'acteur, qu'on passe rapidement, le chanteur plutôt, et qu'on passe rapidement sur sa page Wikipédia, on pense qu'il est vraiment mort à Chicago en 1968. À partir de ce moment-là, Oaks est convaincu que l'Américain moyen n'est pas intéressé par la chanson engagée et il décide de se réorienter dans une musique qu'il écoutait à l'adolescence, adoptant des styles plus country et rock and roll, tout en changeant son image pour ressembler à ce qu'il appelait un genre d'Elvis rencontre Che Guevara. Oh boy! Ouais, c'était particulier. Il s'est commandé un costume 3 pièces doré à New Deacon, qui était le styliste d'Elvis Presley. C'est dans ce costume qu'il apparaîtra dans les années suivantes, ainsi que sur la pochette de son album Greatest Hits, qui paraît en 1970. Le plus comique là-dedans, c'est que l'album ne comportait aucun des meilleurs succès de Oaks, mais plutôt une collection de chansons rock'n'roll qui n'attire pas du tout la sympathie des critiques et des foules pour ses concerts. Le chanteur désillusionné perturbe ses fans et laisse paraître des signes de fatigue et de laisser-aller qu'on pourrait associer à sa consommation abusive d'alcool. I like a one-way ticket home, ticket home. Or I can watch my television talk on the telephone. And every time I wander there's a billboard on a throne. Ticket home. I must have come from somewhere, but I can't recall the place. They dropped me at the matinee, they left without a trace. Take it home, take it home, I want to take it home. Elvis Presley is the king, I was at his crowning. My life just flashed before my eyes, I must be drowning. In the skies while diving in champagne, I would be in exile now, but everywhere's the same. Take it home, take it home, I wanna take it home. Take it home, take it home, I wanna take it home. Elvis Presley is the king, I was at his priming. Well, I've just blessed before my eyes, I must be drowning. Seems like only yesterday I climbed aboard the plane, raving distance in the skies while diving in champagne. I would be in exile now, but everywhere's the same. Take it home, take it home. La pièce One Way Ticket Home tirée de cet album Greatest Hits de Phil Oakes. Et d'ailleurs, c'est vraiment un clin d'œil. Comme je disais, il était très, très fatigué. Il avait un début de dépression. Il était également de plus en plus alcoolique. Ça, c'est environ... 1970. OK, 1970. Okay. Donc, il a dit, je vais appeler ça Greatest Hits. J'en ai jamais eu de Moses de Greatest Hits. Donc, je vais avoir quand même un album Greatest Hits. J'aime ça. Ouais. Comme idée. Bien sûr, Phénomène vous présente Phil Oakes, deuxième partie cette semaine dans le cadre de Assemblage requis. Et on se retrouve maintenant en 1971, alors que Phil Oakes voyage au Chili pour rencontrer Salvador Allende, un président marxiste élu démocratiquement, qui est le premier, bien sûr, de l'histoire du Chili. C'est lors de ce voyage qu'il se lie d'amitié avec Victor Jara, un chanteur folk chilien et supporter d'Allende. Malgré cette rencontre mémorable, il ne garde pas un très bon souvenir de ce voyage, alors qu'il fut arrêté en Argentine ainsi qu'en Bolivie, alors qu'il devait y tenir des spectacles. Il fut mis à la porte de ces deux pays et décida alors de rentrer aux États-Unis, où il fut invité par John Lennon personnellement à chanter lors du John Sinclair Tribute Rally, un concert bénéfice servant à aider un homme emprisonné, justement, donc qui avait été arrêté pour une petite pacotille et qui avait reçu une très, très grosse peine. L'année suivante, il décide de suspendre ses activités quelque temps afin de voyager, puisqu'il ne trouvait plus l'inspiration. Il voyagea donc dans différents pays d'Afrique pendant quelque temps, oui, avant d'être sauvagement attaqué et étranglé en Tanzanie. Suite à cette attaque, il perd 3 notes complètes de sa portée vocale et donc c'est suite à cet étranglement-là qui était quand même assez intense. De plus, l'attaque a contribué à accentuer sa paranoïa qu'il avait commencé à développer dans les dernières années. Voyez-vous, c'est que le père de Phil Oakes s'était suicidé lorsqu'il était plus jeune. Il souffrait de bipolarité. Lui, son frère et sa sœur, en fait, craignaient qu'un d'entre eux souffre de cette maladie mentale également, puisque c'est des choses qui peuvent être transmises génétiquement. Il fut malheureusement le seul des 3 enfants à démontrer des signes avant-coureurs de cette maladie. Le 11 septembre 1973, son monde s'écroule alors que le coup d'État a lieu au Chili. L'armée prend le pouvoir et exécute Allende ainsi que Victor Jara publiquement. Oakes décide alors de mettre sur pied un concert bénéfice qui se nomme « An Evening with Salvador Allende », afin d'attirer bien sûr l'attention du public américain face à ce coup d'État qui avait été entre autres financé par les Américains. C'est là que Pinochet en fait a pris le pouvoir au Chili. Pete Seeger ainsi que Arlo Guthrie acceptent de jouer lors de ce concert. C'est deux grands, très, très, très grands chanteurs de folk américains. Et Bob Dylan également se décide à appuyer Oakes dans sa démarche lorsqu'il apprend que le concert risque d'être annulé, dis-je, par manque d'intérêt et de gros noms. Les deux chanteurs vont partager la scène pour quelques chansons, une sorte de réconciliation entre les deux protagonistes de la scène folk qui ont même discuté de faire une tournée commune des bars. En fait, il faut souligner que lors de ce concert-là, Bob Dylan et Phil Oakes étaient assez intoxiqués, merci. Ils avaient bu toute la journée avant le show et vers la fin de la journée, donc ils ébauchaient des plans là, de carrière commune. Il n'y en avait pas de problème. Ouais, c'est ça, mais c'était ça surtout des rêves alcooliques là, de ouais. ce côté-là. Toi, je t'aime tellement! Je t'aime, Bob! Donc, le 30 avril 1975, la guerre du Vietnam prit fin et Phil Oakes convia également le public à un dernier concert, War is Over, où la pièce devint finalement l'hymne de la fin de la guerre. Ce fut une de ses dernières apparitions en public. Puisque, malheureusement, Oakes n'avait pas diminué sa consommation d'alcool dans les années 70 et de plus, sa stabilité mentale était de plus en plus compromise. En 1975, il décide de se créer un personnage nommé John Butler Train. Il affirmait que Train avait tué Phil Oakes. Il se promenait également toujours avec une arme blanche ou une arme à feu, convaincu qu'on essayait de mettre fin à ses jours. Ses amis tentent de l'aider, mais rien à faire. Il refuse de recevoir des traitements, incapables de payer son loyer également, et il se retrouve à la rue. En 1976, il va s'installer chez sa sœur Sonny, qui le convainc finalement de prendre des médicaments pour aider son état. Oakes affirmait qu'il n'avait plus rien à défendre maintenant que la guerre du Vietnam était terminée. Il était un rebelle sans cause véritable et juste, en plus de ne plus pouvoir écrire de chansons. Il se disait qu'il était mort politiquement à Chicago, professionnellement en Afrique et finalement qu'il était mort psychologiquement aux mains de John Train. Phil Oakes s'est pendu chez sa sœur le 9 avril 1976. Désespéré, c'était la seule chose qu'il jugeait acceptable pour lui. Il laisse derrière lui une carrière remplie de joyaux contestataires, une vie remplie de causes défendues avec autant d'audace que de conviction et qui pourrait faire rougir le plus impliqué des grévistes. Phil Oakes est mort lorsque les causes pour lesquelles il s'est battu se sont réglées. Phil Oakes est mort le jour où il n'avait plus aucun mot à dire. Show me a prison, show me a jail, show me a prison man whose face is growing pale, and I'll show you a young man with many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Show me an alley, show me a train, show me a hobo who sleeps out in the rain, and I'll show you a young man with many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Show me the whiskey stains on the floor. Show me a drunken man as he stumbles out the door, and I'll show you a young man with many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Show me the country where the bombs had to fall. Show me the ruins of the buildings once so tall. And I'll show you a young land with so many reasons why. And there but for fortune may go you or I. Phil Oakes avec la pièce There But By Fortune qui en fait est un de ses plus grands succès et qui a été repris par John Baez dans les années 60. Et malgré que lui, donc, se soit jamais rendu dans le top 10 des palmarès et à la radio, elle a réussi avec cette pièce-là. Ah. C'était, je pense, en 1965, une de ses plus belles pièces, Here But By Fortune. D'ailleurs, c'est le nom également du film qui porte sur sa vie, un documentaire extrêmement intéressant sur la vie de Phil Oakes, réalisé par ses proches, ses amis. On peut d'ailleurs y rencontrer sa sœur qui a des témoignages très, très intéressant là-dedans. On parle à tous les protagonistes de la scène folk des années 60 et 70. On peut vraiment voir toute sa vie, de sa montée incroyable et sa déchéance également à la fin de ses jours. C'est vraiment intéressant. Donc, le film s'appelle Here But For Fortune. D'accord. Merci, Simon. Ça fait plaisir, beaucoup. Les amis. Est-ce qu'on plug des affaires? Plugging time? On peut plugger, ouais. Commençons lundi soir avec Catalepsie entre 20h et 22h. C'est l'émission musicale thématique. Et effectivement. Mais j'ai pas encore de thème. Je l'ai pas demandé non plus. Ça rejoue mercredi à 13h et samedi soir à 18h. Il y a aussi l'album classique les vendredis matin entre 10h et 11h. Effectivement. Et demain, en fait, on va vous présenter encore un autre album de jazz rock. Mais je vais garder. En fait, je sais qu'est-ce que ça va être l'album, mais je vais le garder secret jusqu'à demain. Surprise, ouais. Ça passe dimanche soir à 16h et mardi à 17h. Et finalement, les éphémérides du rock dans Rock Classique tous les vendredis matin à partir de 11h. Comme toujours. Avec traditionnel. Alain Lefebvre. Ben oui, c'est avec traditionnel. Alain Lefebvre, ouais. Ben c'est crémeux aussi. Ben oui. Traditionnel et crémeux. C'est tout en même temps. C'est le mot de salade de choux. Poulet, c'est... ouais. Ça, bon. Donc, on prend une pause, on revient avec la chronique. Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. C'est... C'est fou. Pour l'écouter. 89. Lundi, à Assemblage requis. On se rend en Alberta pour la chronique de Kiwan en cavale. On cuisine et on se tait avec Tais-toi et cuisine de Xavier Antoire. Et on a du charme et du sport. En parlant de sport avec Nicolas Ducharme, vous voyez comment tous les noms de chroniques ont un sens. C'est Assemblage requis lundi, 7h. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis en pièces. Détaché, Mathieu, Plante, François, Olivier, Marchand. Je suis jamais tendre, au sein d'une devenue la grande esclave de vos troncs. Les revenants beaux danseurs, hein? Les revenants beaux danseurs, ça se dit vite demain. Les revenants beaux danseurs, hein? Ça rock. Ça rock. Ouais. Il y a de la guitare là-dedans. La guitare. Bing, bing, bing. Pareil. Hey, je suis sûr qu'on pourrait peut-être se trafiquer un petit gadget comme ça pour jouer de la guitare avec, je sais pas, des affaires qu'on trouve dans la maison. Mais si on a des problèmes comme ça, il faut les régler. Il faut tout le temps régler ces problèmes. C'est pour ça qu'on a, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, c'est la chronique où on se crée des besoins. Hein, et si vous avez des problèmes, on vous les règle. Si vous n'avez pas de problème, on vous en invente. Je pense que c'est pas mal comme ça qu'on dit ça d'habitude. Bien. Commençons avec un climatiseur pour votre chien. Eh hey boy! Parce que votre chien, dans sa niche, des fois, peut avoir un peu chaud. Ben oui. Ah, ben oui, mais c'est vrai ça. Donc, le régulateur de température portatif CR2550 de Climate Right est conçu pour chauffer et climatiser des petits espaces comme les niches, les maisons à chats et sinon peut-être cabanon et garage. Là. Ça, c'est, pour les humains, c'est pas très important. Ouais. Ouais. Il suffit de brancher deux tubes dans l'espace à climatiser, donc un pour aspirer l'air, l'autre pour souffler une fois qu'il est à la bonne température, et de connecter l'appareil à une prise de courant standard. Le tour est joué, pas de stress, c'est super bon. Ça dit qu'on ne peut pas aller en bas de 16 degrés ou en haut de 32. C'est quand même assez... Il y a des règles là-dedans. Maintenant, vous avez un iPhone, mais vous n'avez pas l'air assez troqueur. Non, pas d'iPhone. Pas d'iPhone. Mais t'as un BlackBerry, toi, c'est ça? Oui, oui. Mais oui. T'aimerais ça être troqueur? Oui. On a tous le rêve d'être troqueur. Ben, moi, écoute, Key One, c'est mon héros. C'est ça, ben, les peanuts et la crème glacée, je veux dire, c'est ça qu'il est, il va me m'en donner. C'est sûr que c'est ton héros, regarde ça, comment c'est bon. Donc, comment avoir l'air de troqueur encore plus avec un iPhone? Désolé, Simon, ça t'inclut pas vraiment. Mais c'est un faux émetteur-récepteur radio qui sert à parler au téléphone sans avoir besoin de tenir son téléphone, hein? Wow. Donc, à la place d'avoir une oreillette Bluetooth, t'as un CB, donc c'est vraiment littéralement comme un CB. Ça se branche avec un petit fil torsadé comme un téléphone dans la prise d'un iPhone et tu parles là-dedans. Donc dans le fond, c'est que tu peux brancher ton émetteur-récepteur CB dans ton iPhone. Tu branches ton CB dans le iPhone. Ah, okay. C'est comme un micro. Okay. Je me disais, il y a déjà la fonction main libre sur le téléphone, donc je vois pas... C'est pas cool ça, rien non. Donc mais out, c'est comme, voyons, speakerphone sur un téléphone. Tant qu'à ça, une boîte vocale. Tant qu'à ça, tu sais, une pagette comme François Landry. Hey, oh non, hey, il aurait dû dire qu'un cellulaire. Ouais, il y avait un cellulaire, ben, même tantôt, ouais. C'était, oh, ouais. C'était psychotronique. C'était lui, ils ont prêté. Il est loué, c'est ça. C'est un prêteur sur gage. Je pense que c'était allé au pawn shop se garnir un peu de téléphone cellulaire. Donc, le troqueur pour votre iPhone, c'est disponible dans un mois environ pour 20$. Et voilà. Tu devrais t'en acheter un pour ta voiture fictive, Mathieu. Oui, tout à fait. Ma voiture, c'est comme c'est mes souliers. Tu vois. J'ai un très beau modèle. C'est de l'année, en plus. Maintenant, on veut toujours effacer quelque chose. On écrit, on efface quelque chose, mais en même temps, on aime ça le fast-food. On aime ça pouvoir beurrer un hot-dog de mayonnaise. Un hot-dog, tu prends un... Ah, moi, je mets pas de mayo dans mon hot-dog. Qu'est-ce que tu mets, mettons? Moi non plus. Ketchup-moutarde. Donc. Relish, oui. Ah. Tu vois, j'ai surtout mayonnaise et ketchup dans mon exemple ici, dans mon article, pour vous aider, mais bon, quand même. Ben, ketchup. Ketchup, mettons, disons ketchup. C'est pour enlever, c'est comme un white-out, mais en forme de bouteille de ketchup ou en bouteille de mayonnaise. Donc, tu squirtes, tu squirtes. Ta mayonnaise sur ta feuille, mais c'est toujours blanc, donc même le ketchup est blanc. C'est pas réaliste, moi, c'est pas assez réaliste pour moi. Ouais, mais bon, que voulez-vous? Il faudrait pas qu'il y en ait à moutarde, hein? Ben, en fait, faudrait qu'il y en ait à moutarde. S'il n'y a pas de couleur, on pourrait en faire manger à Jasmine Raymond-Dréville, qui a une genre d'aversion immonde pour la moutarde. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de ça? C'est ridicule, hein? Mais c'est comme ça, c'est la vie. À part de la moutarde. On la juge pas, là. Ah, ben, d'ailleurs, je voudrais la saluer. Elle nous a emmené des hamburgers l'autre fois avec un pot de moutarde à notre pote où on faisait du piquetage et elle a été assez courageuseuse pour. Traîner la moutarde? Ouais, elle est seule avec un pot de moutarde. Assez, ouais, puis elle l'avait proche de son visage en plus. Wow. Eh ben. Bravo Jasmine. Ouais. DJ Jazzy Drain. Maintenant parlons de soccer. Hein. Tu sais, jouer au soccer, c'est bien le fun, mais quand t'as pas de terrain, c'est un petit peu moins le fun. Ouais, effectivement. Là, il faut que tu mettes une personne dans chaque coin qui met ses bras larges pour faire comme pour délimiter le terrain. Je suis sûr que les gens font ça. À la place, tu peux aussi gonfler ton propre terrain de soccer, hein. Un terrain de soccer gonflable. Inflatable soccer field. Donc, c'est plus un périmètre, je pense, qu'un terrain de soccer, parce que c'est tout petit. Ouais. Vous gonflez ça en moins d'une minute avec une pompe et les enfants peuvent jouer en sécurité, comme ça, dans la rue, peut-être, n'importe quoi. Ça mesure 20 pieds par 13 pieds. Et c'est dans la rue. 85$. Où est-ce qu'il y a les autos qui passent? Ben, comme barricade étudiante lors d'un mouvement de grève, là. Ça peut être assez impressionnant. Alors, je vois, on stopperait toutes les voitures avec ça. Tout le monde viendrait jouer avec vous autres. Bon, ce serait pour la cause, tu sais. T'es dans quelle équipe? L'équipe des Rouges. L'autre bord, t'es dans quelle équipe? L'équipe des Rouges. Les deux équipes des Rouges. Parce que... Oh! Parce qu'il y a personne qui est en vert qui va aller jouer contre vous autres. Oh, ouais. Ensuite, vous avez un animal de compagnie. Vrai? Faux? Vous êtes pas capable de vous pencher? Vous n'êtes pas capable de vous... François, il est de même. Il va lire mes liens à l'avance. Il se trouve drôle. C'est drôle. Donc, tu as un animal de compagnie et tu veux le nourrir, mais soit tu as un problème de dos ou des fois, peut-être tu es en chaise roulante. T'es lâche. Comme François-Olivier. On peut nous aussi rire de François-Olivier. T'es un lâche, François-Olivier. Ben, je suis pas un lâche. Écoute, je trouve ça incroyablement inutile. C'est ben non. Okay. C'est incroyable. Si t'es un chat et tu peux pas te pencher, là, ça va pas bien. Assieds-toi sur ta chaise puis penche-toi après. Non, il y a des gens qui ont peut-être... comment t'appelles ça? Des problèmes de vertèbre, là. Des fois, ça se peut, ça. Des hernies discales. Des hernies discales, et... François, respecte ma soeur, le monde. Ma soeur a eu ça, probablement, que ça y aurait été utile. Sa soeur a eu ça, François. Ouais, ben, je m'excuse, je retire mes paroles. Sa soeur, elle s'appelle Kim. Kim Sim Fitzbay. Kim and Sim. C'est fun. Comment ça, tu connais le nom de ma soeur? C'est marqué sur Facebook. Ah, OK. Hein? C'est drôle, Facebook, c'est la vie. T'es comme mes amis qui sont amis bizarrement avec des cousines qui n'auraient jamais dû se rencontrer. Oh. Là, j'ai comme des doutes sur ce qui est. Puis qui sont jolis. Ouais, puis que l'autre, tu sais que c'est un carré violet, donc. Hein? Oh! Lui, il a compris ce que je voulais dire. C'est dangereux. Tant mieux, hein? Donc, vous avez un animal de compagnie, on avait fait une parenthèse ici. Donc. C'est un bol de nourriture avec un vissable, un peu comme un balai. C'est un balai, tu peux dévisser le bout, là. Tu vises cette affaire-là dans le bol et ça devient un bol levable facilement pour pas avoir à se pencher, pour mettre de la nourriture dedans. Et tu peux aussi faire chier ton chien ou ton chat. Déranger ton chien ou ton chat quand il arrive pour manger, tu vas juste le lever. Oups. pas capable. Saute. Mais c'est pour combien tout ça, Mathieu? Bonne question. Je vais te le dire à l'instant même, le temps que la page se charge. C'est ça. Ça mesure 16 pouces de haut et on vend ça pour 20$ juste, $19.98. C'est en stock sur le site taylorgift.com. Est-ce que je peux juste suggérer aux gens un plat normal en plastique, c'est quoi? Okay. Peut-être 5$? Environ. 5$, c'est cher. Ouais, c'est cher. C'est très cher. Et pour également un manche à balai, là, pour vous dire, à des places, 1,25$, vous avez ça. Environ, hein? Trouvez juste un drill qui peut faire un trou assez gros et voilà. Du duct tape? Ouais, du duct tape aussi, ouais. C'est sûr que ça tient mieux. T'as raison. En plus, c'est que ça empêche, si l'eau coule, je pense que c'est pas mal à l'épreuve de l'eau, je pense, certaines sortes de duct tape. Donc, je sais pas, ouais, peut-être que c'est n'importe quoi. Si tu fais un trou dans ton plat à eau, ben là, t'es comme dans le chenot. Tu sais? Ouais, mais. T'as des beaux mots pour du caca aujourd'hui, toi. Dans les caca. C'est ça. Allons-y avec un autre gadget pour régler un autre problème. T'as un frigo, un réfrigérateur, OK, mais tu te sens pas assez James Bond type style comme thing, là, tu veux être comme un genre d'espion. Fait que tu veux que ça ait l'air d'un coffre-fort. Ah oui. Mais ouais. Donc t'as un aimant que tu colles sur ton frigidaire, hein? Puis tu tournes ça, hein? Puis ça fait comme si t'avais une combinaison, mais dans le fond, t'as pas besoin de choisir de combinaison parce que ton frigidaire, il va s'ouvrir pareil, là, t'sais. OK, donc c'est un aimant qui ne sert pratiquement à rien. C'est à peu près ça. Comme certains. Ben, de timer. Timer. C'est ça, il sort de timer de cuisine. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Tu vois, une chance que François lit les articles en même temps parce qu'il se rappelle d'affaires que je me rappelle pas d'avoir lu. Et c'est quoi le prix de ce gadget, François? Oh, tabarouette, là, tu m'en veux. Ça se vend sur Amazon pour 12$, les gars. Ah, mais ça, c'est pratique, tu vois, parce que une cocotte, en fait, un timer, c'est toujours utile pour tout le monde. Puis celui-là va jusqu'à 60 minutes en plus, donc. Mm-hmm. C'est pas des blagues. C'est plus qu'un timer à œuf, là. Plus, pas mal, parce que d'habitude, un timer à œuf, c'est pas mal timé pour 12-13 minutes, ouais. C'est ça. OK, prochain problème qui cherche une solution. Vous achetez une pizza en groupe et vous savez pas qui va payer. Là, c'est compliqué. Il faut que tout le monde se paye la moitié ou encore le tiers ou le quart. Là, qui les taxe, puis les pourboires, etc. Donc, à la place, si vous vous retrouvez souvent entre amis et que c'est souvent le même groupe, chacun va pouvoir choisir, va pouvoir déterminer sa foi en tirant un peu comme une genre de pizza roulette. La semaine passée, je sais pas si tu te rappelles, François, je t'en avais parlé, c'était une pizza où tu commandais la pizza roulette. Avec des piments forts seulement sur une pointe. Tu savais pas laquelle, tu sais? Ça, c'était hot, là. Quelle c'était bonne idée. Mais c'est très cool, ça, aussi, par exemple. Oui. À la place, c'est une genre d'assiette à découper. Tu mets ta pizza dessus, tu tranches les tranches où il y a les ronds. Finalement, il y a comme des ronds comme dans une fusil. Ah ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu comme un barillet. Un barillet, exactement. Pas barillet comme les pâtes, là. Un barillet. Non, oui. Pas barillot comme un humoriste, je pense qu'il y a barillet. Mais tu tombes sur un cercle noir et c'est cette personne-là qui va devoir payer la pizza. C'est bizarrement, c'est jamais celui qui met l'assiette. Hein, c'est drôle, hein? Étrange. Il faudrait qu'on la tourne, la roulette. Ou t'invites quelqu'un de l'extérieur juste pour venir déposer la pizza sur la roulette et ensuite... Tu demandes à Anne-France Goldwater, là, de l'arbitre à V. Et puis, elle arrive dans ta cuisine. Ou au livreur. Ou au livreur. Tu fais livrer. C'est quand même mieux. Ça coûte, devinez combien coûte cette assiette-là, François? 40 piastres. À peu près. Yeah. C'est cher, hein? Et est-ce qu'elle est en céramique? Ah, bonne question. Je pense pas que c'est écrit sur quoi c'est fait. En quoi c'est fait. Non, ça a l'air d'être en céramique, en tout cas, j'espère. Je crois que oui. Et évidemment, ça va avec différentes grandeurs de pointe, là, juste à vous centrer correctement dans le barillet. Voilà. Maintenant, t'as de la misère à ouvrir une bouteille de bière ou encore il manque un bras, François. Je pile sur ta blague avant que tu me la fasses. Hein? Ou encore il manque un bras. Il n'y a aucune blague à faire là-dessus. Aucune blague. Donc, tu veux ouvrir ta bouteille de bière avec une seule main. Pourquoi ne pas acheter ce One-Handed Bottle Opener inspiré par le Theodore Lowe Bottle Opener des années 30. Ça s'appelle le Kebo. C'est cool. C'est très cool, sauf que ça coûte 25$ pour ouvrir ces bouteilles. Ouais, comme, c'est ça. Ça a l'air d'un mâle. D'un mâle alpha. Hey! Hein? Wow! Bravo! C'est super cool. Bon, OK. Prochain gadget, le fun, en fait, c'est ce qu'on appelle la Nork. Vous vous rappelez peut-être de la Spork, qui était le mélange entre une spoon, une cuillère, et une fork, une fourchette. Donc, c'est une cuillère avec des fentes pour que tu puisses piquer, mais aussi y aller avec, comme pour manger des... Hey, l'invention du siècle. Des céréales, c'est une excellente invention. Ici, la Nork, c'est le mélange entre une fourchette et un couteau. Ça existait déjà, mais celle-là est vraiment bien faite. Vous voyez sur les photos sur assemblagerequis.com qu'on peut couper une pomme, on peut couper de la viande, une carotte. Une carotte. Même une carotte, donc c'est quand même un bon couteau. Évidemment, quand vous mangez, allez-y avec les dents, de préférence. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que moi, je suis du genre vraiment à aller... Ben, pas profondément, ouais, mais tu sais, aller toucher à ma fourchette. Gorge profonde, deep throat. Oh, ouais, deep throat jusque dans le fond. Là, je mâche même pas, j'envoie tout ça dans l'arrêt. Non, mais tu sais, je veux dire, j'aurais vraiment peur de me couper avec ce genre d'invention. Ouais, ouais, c'est un risque. Mais par principe, tu sais, si je m'en vais dans le bois, par contre, j'ai besoin d'emmener, ben, je vais avoir ma Knord puis ma Spork. Et voilà, les deux. Oh, ouais. La prochaine, ça va être quoi, par contre? Ça va être une cuillère-couteau? Une cuillère-couteau? Ben, ouais. Tu vois, ça serait déjà quelque chose de quand même pas pire, mais par contre, la cuillère, il faut que tu y touches. Noon. Excuse-moi. Knife et spoon, noon. Noon. Oui. Noon. Ça va le bas matin. Ça va le pas pire. 25$ pour un ensemble de 4 de ces Nork, donc fourchette et couteau. C'est super. 125$ pour l'ensemble au complet de différents ustensiles. Ensuite, autre problème, c'est un problème que j'ai fréquemment mentionné dans ces chroniques, ça explique ça devrait répondre là, c'est d'attacher ses écouteurs sans avoir un moton de fil dans ta poche. Un fil dans ta poche, c'est plate à redéfaire après. Oui. Donc, c'est une petite bestiole, ça ressemble à un genre de sphère, mais avec un sourire, et il y a des pics tout le tour. Donc, littéralement, à la place de te casser la tête, à avoir à enrouler ça comme faut, tu fais juste le poignet autour de la balle, et après ça va être facile à redéfaire. C'est vraiment bien, ça coûte 27$ pour ce produit-là. Je sais que c'est cher. 27, ouais, quand mais même. Je sais pas si c'est 27 pour un, parce que ça le mentionne pas dans l'article. On en voit 4 sur l'image, en tout cas. Ouais, c'est ça, il y a vert, jaune, orange et rose. C'est bien ça. Donc, on en vend 2 pour 25$. Voilà. Moi, j'ai une solution pour ça. En fait, lorsque j'ai acheté mon iPod, je me suis acheté un truc pour le protéger également, pour mettre dedans. C'est en genre de petite cuillerette, mais il y avait un aimant sur le dessus de ce casier rigide-là. Et donc, j'avais juste entouré mon casier de mon fil et les deux écouteurs allaient se fixer sur l'aimant et ça bougeait pas de plus. Ah, c'est très cool, ça. Ouais, et j'ai pu sauver comme 3 mois d'utilisation sur mes écouteurs parce que de toute façon, ça brise après 9 mois avec moi. Ouais. Donc là, ils ont fait 1 an. D'accord. Ça a bien du sens, tout ça. J'aime ça. Allons-y avec un autre problème. Vous savez, les gens de nos jours ont de la misère à arrêter de fumer. Ben, en fait, ça a toujours été comme ça. Là. Mais de nos jours, et Simon en est témoin, il y a des petites cigarettes USB que tu peux acheter pour, si on veut pallier le problème et essayer de te débarrasser de ce comment, ce qui t'afflige. J'en ai une chez moi. T'en as une? Ça fonctionne bien? Ben, pas pour moi. Pas pour moi, mais je connais des gens pour qui ça fonctionne. Ben, il y a rien qui est pour tout le monde, finalement. Exactement. T'as copié là-dessus? Ça blonde, elle fume pas. Non. Elle fume pas. Elle a jamais fumé. Désolé. Donc, tu trompes de personne. Ouais. Donc, non, un autre problème que tu peux avoir, c'est que tu es à la diète. Tu veux arrêter de manger des petits gâteaux ou des shortcakes, des strawberry shortcakes aux fraises, là, ou ketchup aux tomates, là. Donc, c'est plein de saveurs. C'est plein de saveurs. C'est une façon de fumer des petits gâteaux, finalement. Ah non. Mais c'est la saveur du petit gâteau pour que tu arrêtes de manger des vrais petits gâteaux. Est-ce qu'on sait en quoi c'est fait? Parce que moi, il me semble que j'aurais peur de m'intoxiquer avec un produit chimique que j'inhalerais ou quelque chose. C'est du vapor trim. OK, ben, c'est un peu comme la cigarette USB, dans le fond. C'est quelque chose qui ressemble à, mais qui n'est pas... Ouais, Danny Cousins, qui envoie dans le fond, probablement c'est de la glycérine, en fait, c'est un genre de sucre, et probablement avec un édulcorant qui fait l'imitation de la saveur. Ouais. Je pensais que c'était vraiment quelque chose que tu allumais, par contre. Non, c'est ça. On nous dit dans l'article que la recherche des chercheurs, dans le fond, ont trouvé qu'entre 70 et 75% de ce que tu goûtes est l'odeur. Donc, quand tu inspires, les récepteurs de goût et d'odeur envoient des messages à votre cerveau, ce qui relâche des hormones qui disent que ton corps est plein. Donc, potentiellement, si tu finis ton repas avec un dessert, avec ce genre de cigarette au strawberry shortcake, mm-hmm. ton corps va penser à être plein plus rapidement. Il y en a même au pina colada. Ben oui, et brioche en cannelle. Donc, le pina colada, c'est que tu te saoules par l'odeur. C'est juste s'y goûter, puis tu passes à la brosse. Hey, frappé au caramel, crêpe au sirop d'érable, chocolat au lait. Des danoises. Ben voyons donc, c'est dommage bon, ça. J'en veux. Ouais. Comment ça fait quand ils font des cigarettes électroniques aux chips ou aux graines de tournesol, vous me rappellerez. Ouais, cool. OK, il nous en reste quelques-uns à faire. Pour commencer, on va aller rapidement sur celui-là. C'est des petits collants pour votre portable, pour votre MacBook, entre autres, là, pour coller les raccourcis Photoshop. Donc, je sais pas. Pourtant, quelqu'un qui utilise Photoshop, souvent, connaît les fonctions par cœur. Tu bouges tes doigts. T'es rapide quand même, pas pire. Mais pour un petit nouveau, j'imagine que ça pourrait être utile. C'est un emballage qui coûte 16$, donc quand même, pour les débutants dans Photoshop. Un crayon qui reste toujours debout. C'est un crayon avec une pesée à l'intérieur. C'est très, très joli. Là. C'est vraiment beau. C'est un petit bout genre métallique et le reste est noir. Ça ressemble à une antenne de téléphone cellulaire dans le temps. Là, ça fait antennes. Moderne. Mais ça fait moderne, c'est ça. Ça fait moderne tout en étant comme une antenne. Mais c'est ça, ça tient debout sur le côté de la petite mine, dans le fond, de ce crayon-là. Ça coûte 30$ juste, donc dur à justifier, comme dit l'article. Mais je trouvais ça cute. Moi, je trouverais ça intéressant parce que je suis déjà... Ben, écoute, les gens écrivent de moins en moins dans la vie. Ouais. Et pour l'avoir expérimenté, en fait, j'ai passé ça fait deux ans que je suis à la maîtrise et j'ai très peu écrit avec mes mains. L'autre fois, j'ai pris des notes lors d'une conférence et j'avais mal au poignet comme ça se pouvait pas. Ouais, ouais. Quand ça fait longtemps que t'as pas écrit, hein? Ça fait très mal. Aux examens, ouais. Là. Ouais. Mais avec ça, justement, probablement que ce serait moins forçant. C'est-à-dire, j'aurais pas à aller... Peut-être, ça serait peut-être moins pire. Excellent, excellent. Je pense qu'on a un produit de vendu. Ouais. Allons-y avec... les téléphones cellulaires, on sait tous que ça peut très bien vibrer et très fort. Et il y a des gens qui aiment bien ça quand leur téléphone leur vibre dans la poche. Hein? J'imagine. Donc, les filles particulièrement, peut-être parce qu'on vous vend... Ben, en fait, ça peut fonctionner pour les gars aussi. C'est un vibrateur, mais en forme de téléphone cellulaire. Pourquoi pas, hein? Téléphone, juste un bouton. Pling! T'sais, deux vitesses en plus, là, quand même. Tu peux faire des patterns. Ça va où, ça? Écoute, quand... Je comprends pas. Ça va où? C'est un vibrateur, donc c'est, ouais. c'est fait pour ce que c'est fait pour. Mais il faut tout le temps que tu t'appelles. C'est long, t'appeler, là, à chaque fois. Ah, faut appeler? Non, sur un vrai téléphone cellulaire, okay, tu n'as pas besoin, je pense. Pas besoin de t'appeler. Ouais. C'est un bouton quand tu l'ouvres. Tu n'as pas les ondes nocives pour la santé qui peuvent venir jouer avec... Pas de cancer, hein? Ouais, exactement. J'ai pas le cancer. Voilà. Est-ce que je vais avec un dernier? Je pense que je vais avec pour un le chien. Chien. Ouais, pour le chien. Ouais, ça peut être tout. C'est un petit collier pour le chien, simplement. Si t'as une clôture à la maison, ton chien ne pourra pas passer à travers parce qu'il y a comme une baguette qui sort de plus son large. Collier plus large. Donc, écoute, c'est une très bonne idée. J'en aurais pris un pour mon chat à l'époque qui se promenait de balcon à balcon. Mais un chat, c'est plus flexible. Ça peut se tourner sur le côté, facilement peut-être passer en rampant avec ses pattes. Parle-moi-en pas. En plus, mon chat, il était trop obèse pour passer à travers les barreaux et il réussissait quand même à le faire. C'était drôle à voir. Ridicule. C'était comme pogné entre les deux. Ah, c'est cute. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, je vous en parle pas. Je vous laisse aller voir la vidéo. C'est ce qu'on appelle le poop stool. Moi, c'est un de mes gadgets préférés de cette semaine. Je trouve ça vraiment drôle. Et l'infopub est vraiment drôle aussi. 2 minutes que ça dure environ. C'est un gars qui lit le journal sur la toilette et qui nous explique que quand t'es assis sur la toilette, c'est une invention moderne, les toilettes assises à un niveau normal, à un niveau où t'es à les jambes 90 degrés. Avant ça, les gens squattaient. Genre, se squattait les... Se penchait vraiment avec les fesses plus en bas que les genoux. Donc, il dit que les médecins ont fait des recherches et que c'est meilleur pour la santé, meilleur pour ton colon, c'est ça qu'on dit, ton colon, et que tu vas faire des besoins plus volumineux et moins souvent. Donc, bref, c'est le poop stoop, squatty potty, en tout cas, peu importe, qui te permet de surélever tes pieds. C'est sûr que tu pourrais juste utiliser des morceaux de bois que tu aurais toi-même cloué, hein, mais essaie de te vendre ça en 3 différents formats. Donc c'est le... Comment on appelle ça? Le poop stool, je pense, en tout cas, peu importe le nom. Là. Allez voir l'infopub, c'est très, très drôle. Voilà pour... ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Merci beaucoup, Mathieu. On a du fun, on a pleuré, on a ri, c'est beau. Là, aujourd'hui, belle journée. Ouais. Profitez un peu du dehors. Essayez au moins. Au moins une fois. Au moins 15 faites minutes. Attention, par contre, pour ne pas prendre de coups de soleil comme ça m'est arrivé dans le visage et dans le cou. Ça fait très, très, très, ça très, très, pas très mal. Ça paraît pas dans ça. Ça paraît pas parce qu'il y a mis un chandail rouge. Ouais, dans le cou, ça paraît. j'ai le cou rouge comme le mur en arrière. Ouais. Avec ton chandail rouge, ça paraît moins, tu fites plus dans le décor. Ouais, exact. Ouais, donc c'est la fin de l'émission pour cette semaine. On se retrouve lundi avec Xavier Antoir et sa collègue Tétoy Cuisine. On va aussi avoir Kiwan en cavale. Nicolas Ducharme qui nous parle de sport aussi. Belle émission lundi dès 7h. Restez sur nos ondes. CNX.zip s'en vient à 10h. Pour compresser les chroniques technologiques CNX de cette semaine. Ensuite, il va y avoir beaucoup de chiptune ce matin aujourd'hui, François, parce qu'il y a juste eu deux chroniques. Donc, il manque une demi-heure. Demi-heure qui va être en chiptune pas mal. Il y a eu juste deux chroniques. Incroyable, hein? Incroyable. Les candidats, on a reçu les candidats hier. Bravo les autres. Bravo les autres. Ben, qui n'ont pas fait de chroniques. Non, deux chroniques de CNX. Ouais, ouais. Ah, OK. Ben, bravo Mathieu de ne pas en avoir fait plus. Merci. À 20 minutes, la chronique, c'est déjà trop. À 13h, c'est 6 degrés. Est-ce que j'ai dit le dîner de con avec Danny Janvier à 11h? C'est leur journée bière aujourd'hui, donc ils vont se rester à l'écoute. Ça. Oh! 13h, 6 degrés, 14h. Les Palmarès, c'est fou. Je vais animer ça en compagnie, en partie de DJ Catardi et de notre nouvelle chroniqueuse et sa chronique Drop the Bass. À 18h, c'est la spirale. À 19h, on entre en électronique avec 13e étage, le Cortex et Onde de Choc. On se quitte avec Duchess 16 et la pièce Time to Reiterate. On retourne en arrière, un ancien extrait. Oh. Hey, hein, ça te fait crier ça de bonheur. Bonne fin de semaine. Bye, François. Bye, Mathieu. Bye, Simon. Salut, Mathieu. Bye, bye. Salut, François. Salut, François Landry qui est plus là. Salut, François Landry. Salut Mario. Mario? Luigi, lui. La princesse Peach, par contre. Oh, oh. Ah. Mais...